tube Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Bonfire. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son des flores. I can hear the whispers about me. About me. Hurt. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts. But shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up. Sur Fun Radio. Allez, c'est parti, c'est que du fun jusqu'à 20h en direct sur Fun Radio. Pour m'accompagner, comme chaque jour, il y a Kaufman. Salut Kaufman. Hello. Ça va bien? Bien et toi? Ouais, en pleine forme, dis-moi. On a toujours des cadeaux ou pas à gagner? Aujourd'hui, une émission encore remplie de cadeaux à gagner. Ouais. Avant 20h, on va vous couvrir, littéralement. Très bien, merci Kaufman pour tous ces cadeaux. Merci Smart Toys. Il y a également Laurence qui est avec nous. Ça va Laurence? Ça va super bien et toi? Oui, je suis en pleine forme. Dans quelques minutes, il y aura le Sarah, le Salove. Il y aura encore des cadeaux dans le Combien ça coûte le Fun Beauty, le Fun Game. Un excellent programme encore aujourd'hui. Mais là, il est 17h. Fun Radio. 17h, c'est l'heure des infos avec Carlo. Ouais, salut Carlo. Tu me demandes pas sur qui je râle, moi. Ah, tu râles sur qui toi aujourd'hui? Sur Donald Trump. Ah, ok. Comme ah, bah, comme je parlais hier de cet énième dérapage de Trump qui semble avoir laissé sous-entendre que si les détenteurs d'armes à feu voulaient pouvoir conserver leurs flingues, bah, ils auraient peut-être intérêt à s'en servir contre Hillary Clinton, qui, si elle était élue présidente, pourrait abolir le deuxième amendement de la Constitution sur le droit de posséder une arme. Alors, vous pensez bien que la candidate démocrate profite de la situation pour désinguer une nouvelle fois son adversaire républicain, affirmant que Trump avait dépassé les limites et qu'il n'était décidément pas qualifié pour devenir président. Ce dernier prétend qu'on l'a mal compris et qu'il voulait juste dire que les partisans du port d'armes devaient se mobiliser massivement le jour de l'élection. N'empêche que, selon les commentateurs politiques, ça fait la 9e fois quand même que Donald dit qu'il n'avait pas dit ce qu'il avait en fait dit, ce qui fait quand même beaucoup. Et le problème, c'est que s'il est élu avant d'avoir appris à s'exprimer correctement, bah, il risque de dire des choses qu'il n'aura pas vraiment dites, mais qu'il aura dites quand même, et qui risque de provoquer des conflits avec des pays qui auront tout compris de travers. Et puis, ce que risquent de provoquer certains conducteurs de train en Belgique, ce sont des accidents, si on en croit le syndicat autonome des conducteurs. Alors, il faut savoir que depuis le début de l'année, un conducteur à la SNCB en service depuis moins de 10 ans et qui veut démissionner doit prester un préavis d'un an au lieu d'un mois auparavant. Ça s'explique par le fait que la formation de ces gens dure longtemps et coûte cher. La SNCB veut donc que cet investissement soit rentable le plus longtemps possible, hein, pour elle et pas pour les concurrents. En attendant, explique le syndicat, il y a une centaine de machinistes qui bossent contre leur gré et il paraît que certains d'entre eux brûlent volontairement un feu rouge pour se faire virer recta. Et ça, évidemment, ça pose, comme qui dirait, un petit problème en matière de sécurité. On s'en rend pas forcément compte chez nous en Belgique, mais c'est l'été. Dans le sud de la France, par contre, il fait beau, il fait chaud, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose quand on voit les incendies qui viennent de ravager 3300 hectares de garrigues dans les Bouches-du-Rhône, au nord de Marseille. Faisons 3 blessés, dont un grave. Pour l'instant, ça va un tout petit peu mieux, vu que les températures ont baissé et que l'humidité est de retour, mais le vent reste violent, ce qui présente un risque de reprise des feux, et la sécheresse de la végétation préoccupe également. Et une troisième médaille pour la Belgique aux Jeux Olympiques de Rio l'année dernière, et pas n'importe quelle médaille, parce que l'argent sur 100 mètres nage libre, c'est énorme. Il s'agit quand même de l'épreuve reine en natation, un petit peu comme pour l'athlétisme d'ailleurs, le 100 mètres. Bref, cet exploit a été signé Peter Timmers, qui a pris la deuxième place derrière le tout jeune Australien Kyle Chalmers, mais devant le champion olympique en titre, l'Américain Nathan Adrian. La dernière médaille belge en natation remonte à 20 ans avec Fred de Burgrave. Là aussi, c'était sur 100 mètres, mais en brasse, et c'était une médaille d'or. Fun Radio. Dans quelques minutes, le Saral Salove, là on fait un point sur la météo. Ouais, Carlo, quel temps? Il fait froid? Aujourd'hui il fait froid. Hein. Oui, demain. Ah, okay, ouais. Demain ça va nettement mieux de ce côté-là, on va gagner 5 degrés. Ah. Donc 23-24, ce sera plus conforme aux normales saisonnières pour reprendre la terminologie qui s'impose. Avec toujours pas mal de nuages, en principe un temps sec, sauf peut-être encore sur l'est du pays. L'une ou l'autre petite ondée est envisageable. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse sans compagnie de David et du son de Justin Timberlake. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. L'émission qui fait daber entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Just imagine. Passez une bonne après-midi sur Fun Radio avec le son de Kungs. C'est le moment de râler et de lover. On commence par Laurence qui a lové. Oui, alors on a tous des tics de langage. Vous, c'est quoi vos tics de langage, les gars? Nos tics de langage, Kaufman, c'est quoi toi, le truc que tu répètes tout le temps? C'est putain. Ah putain, ok, c'est... Désolé, mais c'est comme ça. Moi j'ai souvent mais quelque chose. Bah c'est juste ça, c'est un ou deux quoi. Ouais, c'est, okay. C'est ça. Bah il y a un rappeur, Kanye West. Ouais. Il en a plus que deux. Il en a vraiment énormément. Il en met partout, partout, partout. Dans ses sons, dans ses featuring, à ses concerts. Il en met vraiment partout. Et donc du coup, un mec a décidé de les compiler en une vidéo et ça donne ça. Ah c'est beau quand même, hein. C'est comme assez ça classe. Pendant 3-4 minutes hein. Ah ouais carrément. Et tous des différents hein. Ah ouais, c'est cool donc ça. Il en a vraiment full. Et donc voilà, moi j'ai lové parce que voilà, j'avais déjà remarqué les tics de langage, mais les écouter comme ça en boucle, ça sert à rien. Ça m'a fait perdre du temps, mais j'ai kiffé. Ok, très bien. Perte de temps bénéfique pour toi. Kaufman, t'as râlé? Bah oui, je me suis trompé de métier. Il s'appelle Gilles Embrough. Il est agent de chemin de fer britannique. Ouais. Et le monsieur a eu une surprise lorsqu'il s'est penché sur sa déclaration d'impôt. Il faut savoir que ce Gilles Embrough en question travaille dans les chemins de fer. Et bon, il est ouvrier quoi. Ouais, il est ouvrier, donc normalement il doit pas gagner grand chose. Enfin, il doit pas gagner des fortunes, c'est quoi. 2000 euros quoi, un truc du genre. Ouais. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il doit pas gagner des fortunes. Et le monsieur, devant sa déclaration d'impôt, il se retrouve un petit peu dans les ennuis, puisque on lui réclamait pas moins de 14 billions d'euros. 14 billions? Oui. Billions? Oui, billions. Je connais pas ce mot. C'est beau. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est beaucoup d'argent. Le fisc, pourtant, a évidemment réagi en disant que c'était une erreur. Ah, ouf. Mais le monsieur se promène depuis avec sa déclaration d'impôt. Il a montré à tout le monde. Bah oui, évidemment. Et il dit vous voyez, vous parlez à qui là? Moi, j'ai 14 millions d'euros à payer en impôt. Ah, donc, monsieur Billion. Je me suis trompé de métier parce que moi, à la radio, ma déclaration d'impôt, c'est zéro. Pas d'impôt à payer. C'est tranquille, comme ça t'as moins de papier à faire, Kaufman. Voilà. Allez, pour la suite, le combien ça coûte, on a plein de cadeaux à faire gagner, Kauf. Hein. Oui, on a des goodies jeux vidéo, on a des jeux vidéo. Et avant vendredi, on vous fait gagner le DVD de Dragon Ball. Et juste après Kungs, on joue ensemble. Passez votre été sur Fun Radio. Fun Radio. Soleil, plage, camping et Fun Radio. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. Quelques minutes sur Fun Radio, c'est Imani qui débarque avec Don't Be So Shy. Bon après-midi. Et c'est l'heure de jouer au combien ça coûte. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. Ah bah oui, on a encore fait le plein. Tu vois, chaque jour, je m'arrête dans un Smart Toys pour prendre plein de trucs. Alors, on a des goodies jeux vidéo. On a notamment des goodies Battleborn qui viennent d'arriver. Ce sont des figurines assez sympas. On a des casquettes Ratchet & Clank. Ok. On a aussi des jeux. Hein. On vous offrira peut-être aujourd'hui Technomancer. On verra. Ok. On a des DVD aussi, non? On a aussi un DVD de Dragon Ball Z puisque Smart Toys sont bons. Donc autant en profiter. Hein. Moi, tant que je peux prendre pour donner ici. Je vais pas m'arrêter. Et merci bien Kaufman. Le principe du jeu est très simple. J'ai un prix en tête et au 63-22, 1 euro par message. Vous devinez à quoi il correspond. Laurence Kaufman, vous posez des questions pour aider les auditeurs. Le prix du jour, 11 euros. À quoi ça correspond? Allez-y, au 63-22, 1 euro par message. Kaufman. On voit que c'est la fin de saison. Hein. Tu n'as plus d'argent. Tu fais diminue. Le fond de tes poches et il te reste 11 euros. 11 euros, est-ce que c'est quelque chose de professionnel ou plutôt de personnel? Plutôt de personnel. Est-ce que c'est un accessoire de mode? Non. Est-ce qu'on en trouve dans toutes les maisons? Oui. Est-ce que ça s'achète au supermarché? Oui. Est-ce qu'on en trouve dans une pièce particulière ou est-ce qu'on en trouve partout dans la maison? Dans une pièce. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce qu'on en trouve dans son salon? Non. Est-ce qu'on en trouve dans sa cuisine? Non. Non plus. Est-ce qu'on en trouve dans sa cave? Dans sa cave, oui, on peut dire ça. On peut dire une cave, mais pas une cave à vin. Hein. Une cave, voilà. Une cave, je peux accepter. D'accord. Cave, buanderie, je dirais. Et salle de bain aussi, alors? Salle de bain aussi, c'est possible. Attends, répète ce que tu viens de dire. Cave, buanderie. Buanderie. Oui. Buanderie. C'est ce que ça veut dire? Bien sûr. Non, je te vois bugger, je vais j'y vais. Non, ça veut dire que tu nous donnes un très sérieux indice. C'est vrai, c'est un sérieux indice. Allez-y au 6322 pour gagner des jeux vidéo et des packs fun. Question? Est-ce que ça sert à faire le ménage? À faire le ménage? Non. Donc c'est pas un produit ménager? Bah, c'est un produit. Non, c'est pas vraiment un produit ménager. Je peux pas dire ça comme ça. Est-ce qu'on s'en sert pour laver? Pour laver, oui. Est-ce qu'on s'en sert pour laver des habits? Oui. Ah! Est-ce que c'est sous forme granuleuse? Ça peut. Est-ce que ça sent bon? Oui. Est-ce que Lénore en fait? Lénore? Ouais. Oui, sûrement. D'accord. Oui. Et Dash aussi? Oui. Soupline aussi alors? Oh, vous n'avez pas fait toutes les marques les gars. Vous avez trouvé donc c'est bon, oui, autour de la table. Je pense, ouais. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63-22. On a plein de jeux à vous faire gagner. Des packs fun, des goodies collector. C'est impossible de trouver ça en magasin. Hein. Ouais, mais alors on est d'accord que c'est pas de l'adoucissant. Ah non, c'est pas de l'adoucissant. On m'a dit ça. Qu'est-ce aussi qui va avec? Au 63-22, non, ce n'est pas ça. On m'a dit aussi du savon. Non, ce n'est pas du savon. Je peux pas accepter cette réponse. Si vous avez la bonne réponse, allez-y au 63-22. Ça commence par quelle lettre autour de la table si vous avez la bonne réponse, Laurence? Ah, je sais plus écrire. Je sais plus. Kaufman? P. Par un P? Non, ça commence pas par un P, hein. Le mot que je cherche commence pas par un P, hein. Par un L? Par un L, ouais. Oui, tu peux aussi avoir un mot composé. C'est quoi? C'est ça. Dis-moi. Poudre. Ah, poudre. Ah oui, pourquoi pas poudre. Ouais, cherchez le mot en L, moi, plutôt. Tu vois? Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63-22. Je prends un gagnant juste après. Imani sur Fun Radio. Gagnez votre PC 2 en 1, Laser One 10, grâce à Fun Radio. Fun. Toute la semaine, écoutez Summer Fun de 6h à 9h et c'est que du fun de 17h à 20h. Et repartez avec votre ordinateur Acer One 10 de 10 pouces convertible en tablette pour être connecté partout, tout le temps, en envoyant PC par SMS au 6322. Un nouveau message. Merci Fun Radio. La radio qui vous offre les plus beaux cadeaux high-tech, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100 euros, vous recevez une réduction de... BAM ! 10 euros ! Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. My soul. I don't need anything to get me through the night except the beat that's in my heart. Yeah, it's keeping me alive.

m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Du boulot avec le son de David Guetta sur Fun Radio. On était dans le combien ça coûte le prix du jour, 11 euros, mais ça correspond à quoi? On donne la réponse avec Alina. Salut Alina. Salut. Salut Alina. Salut Alina. Ça va bien Alina? Ça va super, et vous? Oui, on est oui, en pleine forme, oui. Nous, c'est bientôt la fin de semaine, attends. Ouais. C'est Alina ou Célina? J'ai pas bien compris. Alina, donc comme Aline, mais avec un A. Voilà. Là, eh ben voilà. Ah, c'est tout beau, simple, c'est joli, ouais. C'est quelle origine? Roumaine. Ah. Bah, c'est bien ça. Ah, okay. C'est assez rare, Alina, c'est vrai, j'en ai pas entendu beaucoup d'Alina. En plus, elles sont souvent très mignonnes, les Roumaines. Non, arrête. Elle a son copain à côté, fais gaffe quand même. Hein. Mais ouais, j'ai mon mari à côté, donc on calme ses ardeurs. Voilà, donc ça, c'est clair. Le prix du jour, 11 euros, ça correspond à quoi, Alina? À de la lessive. Attention, on vérifie, Alina. Bonne radio. Bravo. Bien joué Alina. Bravo Alina. Tu repars avec un beau cadeau. En plus si t'es avec la lessive, ça nous permettra de laver notre linge sale Alina. Elle remporte quoi Kaufman? Bah tu vois, il aime bien les jeux vidéo ton petit ami. Ouais, il est fan de ça, ouais. Ça tombe bien, on va pas t'en offrir. Ah, je rigole, on va t'offrir des goodies jeux vidéo. Vous allez recevoir pas mal de trucs très très rapidement. On génial. Vous régale et c'est que du fun jusqu'à 20h. Merci de nous écouter en tout cas. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, oui. Vas-y. Donc, j'ai dit à ma meilleure amie que je passais maintenant. Je sais pas si elle m'écoute, mais si tu m'écoutes, belle, ben voilà, je te fais de gros bisous. Et à tous ceux qui me connaissent et qui écoutent fun, ben. Un big up, voilà. Elle s'appelle comment ta meilleure amie? Parce qu'elle va pas se reconnaître. Gaël. Comment? Gaël. Gaël, ok, bah on l'embrasse ouais, aussi. On l'embrasse aussi. Ouais. On lui fait un bisou à toi Alina, bonne soirée. Merci, salut, bonne soirée. Bisous, bisous, Alina. On prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Beauty Laurence. Oui, on va parler de nouvelle collection très old school de Fila, réussie ou pas. Ben, on voit dans un instant. Très bien, le Fun Game Kaufman. Encore un bon plan, encore un jeu gratuit à choper pour votre PC. Et c'est avant 18h qu'on vous le donne, ce bon plan. Et le son Dance Floor avec David Guetta sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. Fun Radio, le son Dance Floor. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100€, vous recevez une réduction de... BAM 10€. Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Let's go! C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Elle sera notre invitée lundi dans l'émission Invité exceptionnel, unique sur Fun Radio. Merci, merci, merci. in a party, party, party. Give all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Dans quelques minutes, le Fun Game, Kaufman. Oui, on vous donnera le bon plan du jour, un jeu gratuit pour votre PC et pas n'importe quel jeu, un très gros jeu. Et toute cette semaine, on vous offre votre PC tablette également. Ah oui, la Acer One 10, hein, on n'en a pas encore parlé, mais rassurez-vous, ça va venir. Une Acer One 10 qui est à la fois tablette, qui est à la fois ordinateur, qui vous permet eh bien, de brancher un tas de connectiques dessus, puisque vous avez la connexion Bluetooth, vous avez la connexion Wi-Fi, vous avez la connexion HDMI, vous avez même les micro SD pour augmenter la taille de votre disque dur. Bref, un tas d'options qui font de cette tablette un vrai couteau suisse. C'est vraiment la tablette et le PC référence qu'il faut avoir. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Maintenant, place au Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et une nouvelle marque, une marque a lancé sa nouvelle collection. Oui, exactement, la marque Fila. Donc Fila, vous connaissez? Moi, je connais. Moi, je pensais que c'était Fils au début, la marque. Parce que donc, dans le dessin, dans le design, le A est une forme de S, je trouve. Ben non, c'est un A en fait. Ah, c'est un A. Oui. Dites-nous au 3044 si vous pensez aussi que le A est un S, voilà. Mais chez vous, est-ce que vous avez encore des articles ou des accessoires Fila ou des habits? Kaufman, c'est le genre, ça. Je sais même pas ce que c'est, moi. C'est ah ouais? Moi aussi. Oh. Moi aussi. Toi, t'as forcément des baskets Fila. Ouais, super. Tout le monde en a eu, je pense. Ah ouais. Non, pas du tout. T'en as pas eu? Non, moi j'ai que des baskets Nike. Ah oui, excuse-moi monsieur, monsieur dans le game. Dis-moi alors, Laurence. Bah bref, maintenant Fila, bah c'est devenu un peu has-been. Tout le monde en a eu, mais plus personne n'en porte. Donc du coup, la tendance mode, elle pense un peu comme nous. Tout le monde trouve ça hyper has-been et tout. Mais là, je lance un appel à tous les papas qui sortent leur jogging du dimanche avec le petit Fila et tout, qui leur va si bien. Eh ben, n'ayez plus crainte, hein. N'écoutez plus vos enfants qui disent, qui disent que vous êtes démodé ou quoi. Ben, c'est faux parce que c'est méga tendance. Donc la marque, elle a été créée en fait en 1911 et elle a connu un énorme succès dans les années 90. Du coup, maintenant, en 2016, c'est quoi la grande mode? Alors, c'est de remake, hein, des séries, des films et tout. Et donc du coup, bah, les marques, elles font pareil. Donc Fila a décidé de revenir sur le devant de la scène avec ce qu'elle faisait dans les années 90. Oh, donc, bien ça. Donc du coup, ça donne une collection hyper flashy, des sous-vêtements rétro, des cols ronds, des pulls oversize, des salopettes, tout ça avec le logo de la marque en grand. Franchement, moi j'ai vu la collection sur le net, ça donne juste hyper bien. J'ai vraiment envie de l'acheter et voilà, c'est une belle reconversion pour Fila et j'espère que ça va fonctionner. Mais ça va faire plaisir à Kaufman, il va pouvoir retourner à ses 20 ans, tu vois, c'est bien Kaufman. Mais maintenant en y repensant, j'ai un modèle de Fila. Ah, j'ai les baskets tures. Ah, t'as vu, tu veux filature. Ah, filature, non, Mais je m'en doutais, j'aurais jamais dû lui donner la parole. Ça, le risque avec Kaufman. Allez, pour la suite de l'émission, on vous offre le PC tablette Kaufman. Hein. Ouais, si vous envoyez PC au 6322 et c'est 1€ par message, vous aurez une chance de remporter ce PC tablette. Bonne chance. Mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les finis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, mets de côté ton écho. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh la la, mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want. Dans quelques minutes, c'est Jonas Blue qui débarque sur Fun Radio. Et quel cadeau cette semaine qu'on vous offre, le PC tablette Acer OneTen, un mélange entre une tablette et un PC. Il y a un clavier qui se détache, qui se rattache, donc ça fait tablette, et puis hop, pour ajouter le clavier, ça fait PC. Écran 10 pouces, vous pouvez faire du traitement de texte, vous pouvez faire des jeux 2D, 3D comme l'a dit Kaufman, Pokémon Go c'est possible, Candy Crush c'est possible, Word c'est possible, tout est possible avec cette tablette PC. Un seul mot d'ordre, vous envoyez PC au 6322. On l'offre toute cette semaine, il reste que 2 jours, donc envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Que rajouter, Kaufman? Bah ouais, c'est vrai que c'est la tablette que vous soyez en train de travailler, de regarder des films entre amis. Le Acer OneTen, bah il offre un mode qui convient à l'activité qu'on est en train de faire. Vous choisissez parmi 4 modes disponibles: le mode ordinateur portatif pour le traitement de texte comme tu en parlais, le mode tablette ou présentoir pour une utilisation tactile, et les modes écran pour tout ce qui est divertissement. Ouais. Donc à chaque activité, son mode que vous pouvez sélectionner très facilement sur votre tablette Acer OneTen. Vous envoyez PC au 6322. C'est maintenant qu'il faut jouer. La tablette, on vous l'offre encore toute cette semaine, la Acer OneTen. Hein. Vous envoyez PC au 6322. Ouais. Donc si elle tombe pas aujourd'hui, elle tombera demain. Ouais, forcément. Que vous participiez maintenant ou plus tard, ça revient au même. On prend en compte votre participation. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Et tout au long de l'émission, on va détailler les caractéristiques de la PC de tablette avec Laurence et Kaufman. La suite de l'émission, le Fun Game, Kaufman. Oui, on va vous donner le tuyau qui va peut-être changer votre journée, à savoir un jeu gratos à télécharger dans le cadre des 30 ans de l'éditeur français Ubisoft. On vous en parle déjà depuis tout cet été. Et ça continue avec un titre à succès que vous allez pouvoir télécharger sur PC. On en parle juste après Jonas Blue sur Fun Radio. Ce sont les semaines du marché chez Lidl. Cette semaine, 32% de réduction sur les saucisses de campagne belges, soit 1,99€ les 390 grammes. Servez-les à votre oncle maintenant, parce que pour lui, une bonne saucisse, ça ne vient pas de la campagne, mais d'un bocal. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Et maintenant, la météo. À partir de demain et jusqu'au 15 août, journée rafraîchissante en perspective. 2 packs d'un litre et demi de Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro, plus 1 pack gratuit. Conditions dans les magasins participants. Fun Radio. Fun Radio. International et la connexion. Kiska. Soufa est dans la maison, de pas, vibra ta ping non. Les filles, faites bouger la fête, faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête, faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I just don't remember. I woke up in a stranger's home. You know that girl really turned me on. Faire fort, finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je brise en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques,

cadre des 30 ans de l'éditeur breton que ce dernier offre certains de ses plus grands succès. La démarche avait commencé il y a plusieurs semaines avec le premier Splinter Cell, on vous en a parlé. Et là, notez bien, c'est le 17 août. C'est donc Rayman Origins qui pourra être récupéré sans débourser le moindre cent via la plateforme Uplay. Et si vous n'êtes si vous pas là, par exemple le 17 août, sachez que l'opération continuera jusqu'en décembre. Ah carrément, jusqu'à la fin d'année, jusqu'à Noël quoi. Voilà. Ah très bien, Rayman, rappelle-moi ce que c'est le but du jeu. L'homme tronc, c'est un jeu de plateforme. Ok, très bien, comme Mario non? C'est à peu près comme Mario, sauf que l'univers est un peu plus loufoque, c'est un peu plus sympa. Il y a aussi un peu d'humour, là où Mario reste quand même assez sérieux malgré ses moustaches. Donc, très bien, dans une heure on évoque quoi? Dans une heure, nous évoquerons ces Japonais qui sont complètement fous, amoureux de Pokémon Go. Très bien, la suite du Sound Explorer, ça se passe avec Inve. Et là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, on a pris tous les signes de l'horoscope, les trucs les plus classiques, les béliers, les taureaux, tout ça. Et on va vous dire signe par signe si la propreté, c'est votre truc. Les béliers. Bah, quand votre dentiste vous dit qu'il faut se laver les dents deux fois par jour, c'est pas deux fois par an. J'ai bugué. Non, c'est pas un petit peu quand même. Les taureaux. La dernière fois que vous avez pris une douche, on pouvait payer en francs dans les magasins. Les gémeaux. C'est tellement sale chez vous que même les cafards de l'immeuble ont décidé de déménager. Cancer. Oubliez le gant de toilette, hein, passez directement papier de verre. Lion. Oh. La dernière fois que vous avez fait le ménage, Lana voyait encore ses pieds. Oh, ça, c'est pas gentil ça. Vierge. Vous sentez tellement mauvais que même vos mouches se font suivre par d'autres mouches. Balance. Les gens vous marchent dessus souvent du pied gauche en espérant que ça leur porte chance. Les scorpions. Vos pieds sentent tellement mauvais qu'on a vu vos chaussettes pleurer un jour. Sagittaire. Lorsque vous laissez votre fenêtre ouverte pour aérer, c'est les gens qui passent dans la rue qui viennent la fermer à cause de l'odeur. Les capricornes. Souvent les gens pensent que vous travaillez dans une morgue, mais ça c'est à cause de l'odeur de cadavre qui sort de votre bouche. Oh, c'est frais. Et bon appétit si vous êtes en mode barbecue les gars. Les Verseaux. Alors cet été, 29 baleines se sont échouées sur la côte. C'est arrivé juste après que vous ayez plongé dans l'eau. Et enfin les poissons. La dernière personne qui a osé vous faire la bise, c'est Gilbert Montagnier. Résultat, il aveugle. Oh non. Enfin, ça à voir, espèce de con, ça veut rien dire. L'odeur, plus, ça brûle la rétine. Ah d'accord, c'est ça. Ouais. Vas-y, toi aussi apprends les trucs scientifiques avec Fab dans cette émission. C'est n'importe quoi. L'Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h-20h sur Fun Radio. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Baby. vous propose Calvin Harris et Rihanna pour la suite du son dance floor. Il vous reste deux jours pour gagner l'Acer One 10, Laurence. Exact. Donc l'Acer One 10, c'est ce PC convertible en tablette, en ordi, un peu comme on veut. On le prend partout avec soi. On va à l'école, on est à la maison, on peut faire tout avec. On peut jouer, on peut regarder des séries, on peut faire de l'édition de texte. Vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc je vous encourage à jouer. On envoie PC au 6322. C'est 1€ par message. Très bien, PC au 6322, 1€ par message. Carlo, tu veux jouer, je le sens. Oui. Hein. Non, non, c'est pas ça, mais le truc, il fait tout. Il fait la vaisselle aussi. peut-être, Carlo. Envoie PC au 6322, 1€ par message. Pour la suite de l'émission, le Saral Salov, Kaufman, tu as levé sur quoi? Ah bah moi je vous expliquerai qu'on ne rattrape pas son avion comme on rattrape son bus. Très bien, Laurence, tu as râlé? Bah sur les JO, parce qu'une athlète mexicaine s'est fait critiquer pour une raison dont je vais parler tantôt. Très bien, là il est 18h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Les infos c'est avec Carlo, salut Carlo. Salut David, salut à tous. Muriel Tarnion, la bourgmestre socialiste de Varilhes, s'est fait critiquer aussi, hein, qui vient de recevoir des menaces de mort dans une lettre anonyme contenant de la poudre blanche. C'était pas de l'anthrax évidemment, hein, mais du sucre, tout ce qu'il y a d'inoffensif, pour peu qu'on soit pas diabétique. Ce courrier semble émaner d'une personne d'un certain âge aux idées radicales, mais alors radicales d'extrême droite. La bourgmestre se voit en gros reprocher de ne rien faire pour lutter contre la menace que présentent certains Verviétois aux idées djihadistes. Bon, on sait que dans cette effectivement, il y a certaines personnes qui souhaitent la mort de l'Occident. Le bourgmestre parle de 6 jeunes radicalisés revenus de Syrie ou d'Irak qui se promènent librement dans les rues et empoisonnent la cervelle d'autres jeunes. Mais le problème, explique-t-elle, c'est qu'elle ne peut rien faire pour les empêcher de nuire et de rappeler que c'est le pouvoir fédéral qui dispose des outils nécessaires pour agir, pas les communes. C'est donc le fédéral qui doit décider si on arrête ces jeunes ou non. Depuis 1987, on a droit à un gros crash boursier tous les 7 ans, si ce n'est que la dernière fois c'était en 2008, et que 2008 plus 7 ça fait 2015, hein. Or l'année écoulée, ben, il ne s'est rien passé de spécial, mais on ne perd peut-être rien pour attendre, hein. Les fondamentaux économiques sont mauvais, avec une croissance qui se fait toujours attendre, et tous les efforts des banques centrales qui ont injecté des centaines de milliards sur le marché pour relancer la machine n'ont servi à rien. Pareil pour les taux d'intérêt rikiki, voire les taux négatifs, la machine semble grippée pour de bon. Or, du côté des bourses, ben c'est pas encore la cata. Aux États-Unis, Wall Street est même dans le vert depuis le début de l'année. Mais ça s'explique par ce qu'on appelle la spéculation. Ça ne repose donc sur rien de concret. Il y a de grosses bulles qui se forment et les bulles, ben, ça finit toujours par péter. Ce contexte explosif explique pourquoi la demande mondiale en or est au plus haut depuis 3 ans. L'or étant LA valeur refuge par excellence. Du coup, en 6 mois, le prix de l'or a bondi de 25%. Ce qui ne fait pas l'affaire des joailliers d'ailleurs, hein, qui ont plus de mal forcément à vendre des bijoux confectionnés dans cette matière. C'est-à-dire, en parlant d'or, eh bien, c'est une matière également très convoitée du côté de Rio depuis quelques jours. Hein, l'or qui a échappé la nuit dernière à notre nageur Peter Timmers en finale du 100 mètres nage libre. Hein, je vous en parlais à 17h, mais une médaille d'argent dans cette discipline, c'est vraiment génial. Parce que le 100 mètres nage libre, bah, c'est ce qu'on appelle l'épreuve reine dans ce sport. Et non, parmi les événements notables de la nuit dernière à signaler, nous avons la victoire du Suisse Cancellara dans le contre-la-montre cycliste. Cancellara qui arrête la compète en fin de saison. Bien sûr aussi qu'en football, le Brésil évite de se taper la honte. Il fallait que Neymar et les siens battent le Danemark pour ne pas se faire sortir dès le premier tour. Mission accomplie et avec la manière, 4-0. Le tireur koweïtien Fahid Al-Diani est lui devenu le premier athlète de l'histoire à remporter une médaille d'or sous la bannière olympique, vu la suspension de son comité olympique national. Et au moment même où je vous parle, David Goffin dispute son 8e de finale face au Brésilien Belucci. Pour l'instant, ça semble ne pas trop mal se passer pour lui d'ailleurs. Fun. Fun Radio. Dans quelques minutes, le Saral Salove, un point sur la météo. Carlo, il va pleuvoir encore ou pas? Ben aujourd'hui ça râle à fond, demain ça va lever un petit peu plus, hein, avec des maxima compris entre 20 et 24 degrés, retour d'un temps sec normalement, avec alternance quand même de gros nuages et de quelques petites éclaircies, avec l'une ou l'autre ondée dans l'est du pays, et ce week-end, samedi et dimanche, et lundi aussi, puisque ce sera un long week-end, il devrait faire meilleur. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse avec David, et le son de Calvin Harris, c'est Rihanna, salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. posé et au calme sur Fun Radio. C'est que du fun entre 17h et 20h. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Fun Radio, on continue le son dance floor avec Usher. Mais place au Sarah Salov, on commence par Kaufman qui a lové. Bah oui, je vais vous expliquer qu'on ne rattrape pas son avion comme on rattrape son bus. C'est l'histoire d'un homme qui partait en vacances jusque-là au calme. Ouais. Il partait aux îles Canaries. Et le monsieur allait rater son avion puisque la porte d'embarquement était fermée et l'avion s'était déjà écarté lorsqu'il est arrivé. Alors là, il a tout simplement forcé une sortie de secours. Oh non. Il est sauté de la passerelle, il a couru sur le tarmac pour attraper l'avion. L'homme a toutefois pu monter à bord de l'appareil. À son arrivée aux îles Canaries, il a pourtant été arrêté pour être entendu avant d'être relâché. Il devra cependant payer une amende. Ah quand même, combien ? Maintenant je sais pas, mais il faudrait faire le calcul entre ce que lui coûtait un nouveau billet d'avion et l'amende qu'il va payer. Mais il est fou le type d'avoir enfoncé une porte de sécurité comme ça. Le pire c'est qu'il y a des photos et des vidéos qui circulent et tu le vois courir après son avion. Mais c'est moi. Mais voilà, c'est ça, il pense que c'est pas un bus, tu vois l'avion. D'abord c'est beaucoup plus imposant et je sais pas comment il a réussi à attirer l'attention du pilote qui écoute, t'as ton ticket, tu peux monter. C'est ça. Le pilote, ah oui c'est Georges. Georges, attends, il y a Georges qui est en train de courir derrière moi, c'est ça. Voilà, donc j'ai bien aimé cette histoire. Laurence, toi tu as râlé. Ouais, donc Alexa Moreno, en fait c'est une gymnaste mexicaine de 22 ans. Ouais. Et elle est victime de body shaming. C'est quoi ça, body shaming? Bah, en fait c'est le fait, c'est l'expression utilisée pour dire qu'en fait on se moque de la, du physique de quelqu'un. Ok, tout simplement. Ouais. Et donc Alexa, c'est une des rares athlètes qui représente le Mexique. Et elle est gymnaste, donc elle présente plusieurs disciplines. Et sur Twitter, on la compare en fait à un cochon, on la nomme de pseudo-athlète, et on peut même lire que Alexa Moreno a le corps de deux gymnastes en un. Est-ce que c'est vrai? Ben, moi j'ai vu les photos, et franchement, bah, pour moi c'est une fille tout ce qui est plus normal. Okay, ouais. Donc moi ce sont des moqueries, des insultes gratuites et désobligeantes pour rien, et moi ça m'a fait râler parce que les JO c'est plein de bad buzz, j'ai l'impression, et moi ça me donne juste pas envie de regarder, et voilà. Et donc sur Twitter, elle se fait un peu massacrer. Exactement. La peau. Kaufman, arrête de tweeter, t'es gentil, t'es mignon. Lâche ton téléphone, Kaufman. Allez, pour la suite, on vous offre votre PC tablette, Kauf. Oui, on va vous offrir l'Acer One 10. On vous l'offre d'ailleurs toute cette semaine. C'est un joli cadeau. Vous envoyez PC au 63 22. On développe les caractéristiques juste après Usher avec Yeah sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. She was checking up for me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Oh. Watch out. She's saying come get me. Come get so me. I got up and followed her to the floor. She said baby let's go. When I let's told go. Her I said in the street, but a freak in the bed that say, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Salut, c'est Lost Frequencies. Beautiful Life. Tous mes nouveaux titres, vous les découvrez en premier sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Oh, no, you are no goal. I follow. Mountain high and river low, I follow. La suite du son dance floor, ça se passe avec le Canadien Drake sur Fun Radio. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Il ne vous reste que deux jours pour gagner le PC, tablette Acer One 10, Kaufman. Bah oui, on en a parlé déjà pas mal, mais tu disais un truc intéressant tout à l'heure. Pour une fois, ça m'arrive un peu. Ouais, avec le clavier qui se rattachait à la Acer One 10. Il faut savoir qu'il n'y a pas de conception avec loquet, que c'est des charnières magnétiques. Donc ça se détache facilement, c'est exactement, ça. Exactement, hein, ça se clipse, même pas ça se clipse, ça s'aimante en fait. Ah, c'est aimanté, ok. Ouais, ouais, c'est magnétique. Fini les connecteurs mécaniques peu commodes, fini les charnières, ne faites que fixer magnétiquement la tablette au clavier. Et en plus, vous la détachez tout aussi facilement, c'est plutôt bien. On va parler également du graphisme, puisque grâce à son écran HD 1280x800, tous vos contenus ont une apparence claire et nette. Et la technologie élimine quasi toute la perte de détails et de saturation des couleurs lorsque vous regardez l'écran d'un grand angle, tu vois. Ah, c'est très bien ça, ouais. L'apparence, parlons-en. La conception du Acer One 10 est sobre, raffinée, élégante. Son revêtement en métal brossé, agréable au toucher, lui donne une apparence sobre, unique. Le mec, il a kiffé la toucher. Ah, moi, j'ai passé ma soirée à la caresser. Il passe la nuit avec maintenant. Grave. Oh, salut Acer One 10, oh, t'es douce, dis donc Acer One 10. Hein. Et donc, pour toutes ces raisons, il va falloir jouer avec nous pour essayer de remporter votre tablette. Va-t-elle tomber aujourd'hui? Ah, peut-être. Va-t-elle tomber demain? Peut-être aussi. Dernier jour de la semaine. Eh ben, c'est à vous de le savoir en jouant avec nous, en envoyant PC au 6322. PC, deux lettres qu'il faut nous envoyer au 6322. C'est 1€ par message. Et là, à partir de là, tout est possible. Ouais. Tout est réalisable. La Acer One 10 est peut-être à vous. Hein, on saura ça peut-être aujourd'hui, peut-être demain. À vous de jouer. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. PC au 6322, il vous reste que deux jours pour jouer et gagner cette magnifique PC, tablette, PC au 6322. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Topito, le top 5 des objets qu'on a retrouvés dans un corps. Il y a aussi le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera de l'amour fou, l'amour complètement démesuré. Entre nous deux. Que portent les Japonais. Ah, merci. À Pokémon Go, il faut pas rêver, Barbet. Il y a également la ville mystère et le son dance floor avec Drake sur Fun Radio. Party all night, all summer. Fun.

La suite du son dance floor, ça se passe avec Cheat Codes. Dans quelques minutes, la ville mystère et le fun game avec Kaufman, on va parler d'eux. De l'amour que portent les Japonais à Pokémon Go. Et la place au topito du jour, le top 5 des objets qu'on a retrouvés dans un corps. Autour de la table, Laurence Kaufman, vous allez essayer de deviner, pareil pour vous derrière la radio, 30, 44, 50 centimes par message. Cinquième position, c'est un objet du quotidien. Ouais. Certains en ont. Ouais. On peut les nettoyer. Ouais. Est-ce que vous avez une idée autour de la table de ce qui est... Est-ce qu'on a retrouvé dans un corps? Dans un corps, on a retrouvé ça dans un corps. Un vraiment. Cadavre, a priori. Ah non, non. Et ça, dans c'est... un corps vivant. Dans un corps vivant, bien sûr. C'est... On a fait un scanner, en fait. Et on a retrouvé cet objet-là dans le corps. Mais la personne est vivante, hein, je vous rassure. Hein. C'est dans quelle pièce? Dans quelle pièce? Ouais, de la maison. Ah non, c'est pas sur la maison, c'est sur soi. C'est un objet du quotidien. Certains en ont, on peut les nettoyer. Okay. Sur soi, on les porte. Les lunettes? Des lunettes, bonne des réponse, lunettes. Kaufman. On a retrouvé des lunettes dans un corps. Non, mais j'ai juste une question. Oui, dis-moi. Le prend pas mal. Oui. Mais tu n'as que ça à faire de tes journées. Oui, exactement. Regardez ce que les gens ont en eux. Attends, tu vas voir. Quatrième position, c'est un objet de bricolage. Il ouais. accompagne souvent le marteau. Oh. Une vis. Une vis. Le tournevis. Ouais. Non, pire que ça. C'est en fer le plus souvent. C'est un clou. Oh, on a trouvé c'est dégueulasse. Un clou dans le crâne directement. Et le patient ignorait avoir ce clou dans le crâne, mais il se plaignait toujours d'avoir mal à la tête. Bricoleur du dimanche, quoi. Il est venu à l'hôpital, j'ai mal à la tête, est-ce qu'on peut me faire un scanner? Ils ont été stupéfaits, les médecins. Bah oui, vous avez un clou, monsieur. Enfin, le tétanos et tout, sympa, quoi. Troisième position, c'est un objet qui nous sert plus souvent la nuit. Ouais. Surtout quand on cherche quelque chose. Est-ce que vous avez une idée? Une lampe torche, bonne réponse. On a retrouvé une lampe torche dans un corps humain. Et c'est quoi l'intérêt? Bah, à quel moment pas. Tu te lèves le matin, tu dis bon, je vais mettre la lampe torche. Et est-ce que tu sais par où c'est rentré? Non, je veux pas savoir. Deuxième position, c'est un objet qu'on trouve dans chaque cuisine. Ouais. C'est un récipient. Ouais. Ça comporte un bouchon. Une bouteille? Une bouteille. Ouais, on a trouvé une bouteille entière. Une bouteille de coca. De coca. Oui, de coca. Là, je rempli. Sais pas où c'est rentré. Oui, rempli. Oh. Je sais pas comment ils ont fait les gens. Première position, c'est un objet que l'on trouve dans la cuisine aussi. Cela ouais. sert pour manger. Une fourchette. Une fourchette, ouais. On a retrouvé pas une fourchette. Vrai. Une fourchette, ça carrément. Pique en plus, ça. Bah, la fourchette a été avalée par une dame qui cherchait à chasser une mouche, mais elle est rentrée dans la bouche, la fourchette, au final. Mais la mouche aussi était rentrée dans la bouche? Non, pas la mouche. En fait, elle faisait comme ça, avec sa, tu vois, avec sa fourchette, elle battait un peu le vent pour éloigner la mouche, et hop, la fourchette, elle, en fait, elle est rentrée par inadvertance. Je vois pas le rapport, mais elle devait être très bizarre, la femme. La bouche, ouais. Effectivement, pour la suite, ça se passe avec la ville mystère et le son dance floor. Cheat code sur Fun Radio. Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Party Fun. This is our summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Ce sont les semaines du marché chez Lidl. Cette semaine, 32% de réduction sur les saucisses de campagne belges, soit 1,99€ les 390 grammes. Servez-les à votre oncle maintenant, parce que pour lui, une bonne saucisse, elle ne vient pas de la campagne, mais d'un bocal. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. C'est que du fun, 17h-20h sur Fun Radio. Sex. Cinnamon. Sur Fun Radio. Le son dance floor. It's hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you want to put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get higher away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow, you won't bring me down. And now I'll get over you. These tears will get me through. And now la suite du son dance floor, ça se passe avec des euros. Dans quelques minutes, le fun game avec Kaufman. On va parler de quoi, Kaufman? On parlera de l'amour inconditionnel des japonais pour Pokémon Go. Très bien, place maintenant à la ville mystère. Le principe du jeu est simple, j'ai une ville en tête et au 63-22, 1 euro par message, vous allez devoir retrouver la ville. On a plein de cadeaux à faire gagner, Kaufman. Oui, on a des goodies jeux vidéo, Overwatch, Battleborn et Doom. On a des jeux vidéo et avant vendredi, on fera gagner un DVD de Dragon Ball. Très bien, Laurence Kaufman, vous posez des questions pour aider les auditeurs. Kaufman, une question. Est-ce que c'est une ville en Europe? En Europe, oui. Est-ce que c'est une capitale? Non. Est-ce que c'est une ville en France? Non. Est-ce que c'est une ville en Grèce? Non plus. En Belgique peut-être? Oui, en Belgique. Est-ce que ça fait partie de la région Wallonne? La région Wallonne, oui. Est-ce que c'est dans la région Liégeoise? Région Liégeoise, oui. Ça se resserre déjà. Donc c'est dans la province de Liège, c'est exactement. Ça, si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. C'est 1€ par message. On a des jeux vidéo à vous faire gagner, des packs fun, des goodies collector. Une question, Kaufman? Bah, c'est pas Liège vu que tu l'as déjà fait cette semaine. Ce n'est pas Liège, effectivement. Est-ce que c'est une grande ville? Oui, c'est une grande ville quand même, ouais. C'est quoi la place connue? Il y a la place verte. Okay. D'accord. Ah, ça me dit quelque chose, c'est pas sur le Monopoly, ça, la place verte? Ah, j'en sais pas, ça. Il y a que toi qui joue au Monopoly. Hein. C'est... Moi, c'est pour tenir les billets. Une autre question, Kaufman. Ok, est-ce qu'il y a une grande équipe de foot là-bas? Non. C'est quoi les grandes villes à côté? Les grandes villes à côté, bon, on a dit, on n'est pas loin vraiment de Liège. Il y a Dijon, Pépinster, entre autres. Pépinster, c'est vrai, ouais, qu'on a appris qu'on disait Pépinster. Effectivement. Ok, est-ce qu'il y a un Smart Toys là-bas? Ouais, il y a un Smart Toys sûrement, et vous êtes partout de toute façon, donc dans toutes les villes vous êtes Smart Toys. On me dit Spa, non ce n'est pas Spa, au 6322, allez-y pour gagner vos jeux vidéo et vos packs fun. Laurence, c'est quoi l'événement où il faut absolument aller? L'événement où il faut aller, il y a un super festival, on peut dire Fiesta City. Ok, voilà. Je connais pas. Connais pas? Non. Ok, très bien. Cherchez la première lettre peut-être de la ville, ça peut vous aider. Est-ce que c'est un B? C'est plus l'alphabet, lui. Est-ce que c'est un... Non, je réfléchis au B d'abord, et puis je te donne la lettre. C'est un B, non, ça commence pas par un B. Est-ce que c'est un D? Un D non plus. Un V? Un V, oui. Ah, parce que dans 12 secondes, je disais que c'était les chiffres et les lettres ici. Oui, c'est un V, ça commence par un V. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Est-ce qu'autour de la table, on l'a trouvé? Non. Non, toujours pas pour Kaufman. Laurence non plus. Bah, posez des questions alors. Je réfléchis aux villes surtout, parce que j'ai plus vraiment de questions autour de Liège. Des villes en V en Belgique, il n'y en a pas étonne non plus. Bah, y a Virton qui doit pas être très très loin. Oui, mais ce n'est pas la bonne réponse. Il y a peut-être. Non, je vois pas. Non, une question, Laurence. C'est quoi la spécialité culinaire là-bas? Voilà, tartorie, on peut dire. On peut dire ça comme ça. Ils en mangent. Est-ce que tu peux donner la fréquence Fun Radio? La fréquence Fun Radio 105.7. Ouais, j'ai trouvé. Ah, t'as trouvé. Il voit que comme ça. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Autour de la table, vous l'avez trouvé? Oui. C'est bon, vous l'avez trouvé. Ça commence par un V. Allez-y au 6322. Je prends un gagnant juste après D'Euros sur Fun Radio. Par Toutatix, participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Reçois les pochettes avec les cartes des personnages de la BD par tranche d'achat de 20€ ou à l'achat de produits participants dans les supermarchés Match & Smatch, Louis Delhaize et dans les hypermarchés Cora. Et les clètes, ni smartphone ni tablette, de terre vue renagette. Roulez non connecté.be, une action de l'IBSR et BEZ. Fun Radio. It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, you feel. Together be real, together in. No one can stop me. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. It feels good as we stand on the shore and now to jump in. I grab another coke and let's dive in. We see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us feel forever and be real together. entre 17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Levámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Mi osa y gitana la van a envidiar. Baila como diosa, así no joder. La suite du son Dance Floor, ça se passe avec Axwell Ingrosso sur Fun Radio. Et on était dans la ville mystère, on cherche une ville en Belgique et j'accueille Christophe pour connaître la réponse. Salut Christophe. Salut tout le monde. Salut, salut Christophe. T'es en pleine forme Christophe, ça va? La patate, la patate. La patate Christophe, dis-moi c'est quoi la ville mystère alors? Ah, avant ça je voudrais savoir d'où il appelle parce que c'est très important ça. Ok, ouais. Voilà. Pour l'instant, je suis près de Rixensart. Ah ouais. Ouais, ok. Ah, donc t'es pas près de la région suisse nommée, quoi. Ok, très bien. Christophe, c'est quoi la bonne réponse? La réponse est Verviers. Verviers. On vérifie. Bonne région. Dance. Bravo. Bien bravo, joué. C'est une bonne réponse, Christophe. Tu repars avec. Tu aimes les jeux vidéo, Christophe? Je suis un vrai gamer. Ok, bah on va te gâter, on va te filer des goodies, jeux vidéo, histoire de te faire plaisir en cette fin d'été. Voilà Christophe, bonne soirée Christophe, bisous bisous. Merci, génial à vous. De rien, bisous bisous. Ça. Merci, c'est gentil. Bisous. Je dirais plutôt bonne nuit à Christophe. On prend des coordonnées, antenne ne bouge surtout pas. Fun Game, Kaufman, on est prêt au taquet? Au taquet. Allez, c'est parti, le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on évoque quoi? Au Japon, c'est la folie autour de Pokémon Go. Tout le monde joue à Pokémon Go et surtout en rue. Et certaines firmes privées l'ont bien compris, puisqu'après McDonald's qui a fait sponsoriser tous ces lieux, tous ces lieux de restauration au Japon en Pokéstop pour attirer du monde. Eh ben, Niantic ça a déclaré avoir trouvé une deuxième entreprise intéressée par les lieux sponsorisés. C'est une grosse entreprise, une entreprise japonaise puisqu'il s'agit d'un cinéma. C'est la plus grosse chaîne de cinéoches au Japon. Ça s'appelle les cinémas Toho. Ok, très bien. Et donc, il y a un Pokéstop à chaque cinéma. Exactement. Et donc, ils espèrent, par cette manœuvre, inciter les gens à venir d'abord devant le cinéma et puis rentrer, évidemment, voir des films. Hein. Mais comment c'est possible, ça, d'avoir un Pokéstop chez soi? On paye de l'argent? On paye beaucoup d'argent, oui. Combien? Beaucoup. Ah, ok. Trop. Dis-moi, Laurence. En Belgique, il y a des marques qui ont fait? Je sais pas. Ouais, il y a Proximus qui en a quelques-uns, mais Japon, c'est la folie. Et donc, les marques se précipitent vers Pokémon Go pour essayer de devenir Pokéstop ou donner des avantages. Et en Belgique, il n'est plus possible de faire rajouter des Pokéstops pour l'instant, comme ça vous le savez. Ah très bien, merci pour l'info Kaufmann. Dans une heure, on évoque... On parlera de Formule 1 version 2016, à moins qu'on vous offre Technomancer, je sais pas, on va okay. encore voir. Oh, il hésite encore celui-ci. Il y a, pour la suite de son Dance Floor, il y a Axel Ligne, Grosso qui débarque, et là c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On va se faire l'appel bourré de Fab. T'as appelé qui aujourd'hui, Fab? Alors, Fab, il a appelé un serrurier parce ouais. que Fab, il a plus beaucoup de sous. Il a vu que ses voisins étaient partis en vacances. Il s'est dit, je vais aller piquer leur ordi et leur iPad. Donc, je leur ai demandé de m'ouvrir la porte. Ah bah oui, normal. Allô? Bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que j'aurais besoin d'un serrurier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je vous explique. Mes voisins, ils sont partis en vacances. Et donc, oui. du coup, je voudrais en profiter pour aller chez eux. Mais j'arrive pas à ouvrir la porte. J'essaie qu'un tour de vis est solide. Alors, Comment aller chez eux, monsieur? Je voudrais que vous m'ouvriez la porte pour aller chez mes voisins, s'il vous plaît. Attendez, vous êtes chez vos voisins, c'est ça? Non, moi, je suis chez moi. Tu dois aller chez mes voisins. Ah, vous attendez qu'ils arrivent, monsieur. Je comprends pas. Pourquoi vous m'appelez, monsieur? Parce que j'ai besoin de vous pour ouvrir la porte. On rentre pas chez les gens comme ça, monsieur. C'est une blague ou quoi? Non, c'est parce qu'ils sont partis et j'ai vu qu'ils ont laissé leur ordi et leur iPad. Et moi, j'en ai pas. J'ai besoin d'un iPad. Monsieur, vous rendez compte de ce que vous me demandez? Bah oui, je vous demande d'ouvrir la porte. Vous rendez compte? Ça s'appelle une effraction, ça, monsieur. On fait pas ça, monsieur, ici. Ah non. C'est une maison correcte, là, chez nous. Non. Effraction, c'est quand on casse la porte. Et moi, je veux pas casser la porte. Je vais ouvrir avec des clés. Alors, j'ai besoin de vous pour m'aider et après, on fait 50-50. Écoute, bon, tu vas. Oh putain, où t'habites? Dis-moi où t'habites, je viens. Ah, je jure, je viens. Vous avez changé d'avis? Non, mais les gens comme toi, j'aime pas beaucoup. À mon avis, t'aimes pas tes dents, t'as envie de les changer, on va s'en occuper, ça va? On peut pas que les... Ici, on peut pas que les serrures, on peut aussi les dents, ça va? On casse tout ici. Thomas, comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton adresse? Donne, vas-y, donne. Moi, je m'appelle Fab et je suis au 33 avenue Télémac. Et les voisins, c'est juste en face. Télémac, comme Big Mac. Mac. Ne bouge pas, viens avec des copains, on arrive. Mais ça va pas lui donner l'adresse de la radio. Mais je vais pas lui donner la mienne, hein. Non mais ça va pas si le gars il débarque, après on fait comment? On n'ouvre pas. Eh ben bon, c'est ce qu'on va faire, c'est clair. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Think about love, think about hate, think about getting fame, why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. The kid again, total utter bliss. Total utter bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex, think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss, feeling like a kid again. Total utter bliss, total utter bliss, total utter bliss, total utter bliss, total utter bliss. like a kid again. Total utter bliss. Pour la suite du son Dance Floor, c'est Boosty qui débarque sur Fun Radio. Et on a un magnifique cadeau à vous offrir, Kaufman. Bah oui, on vous offre la Acer One 10, ouais. La tablette PC qu'il faut absolument posséder. Comment tu l'appelles, toi ? À la Acer One 10. Non, non, je te parle de petit surnom, c'est le couteau suisse. Le couteau suisse, ouais, j'appelle comme ça. Ouais, on se demande d'où tu sors ça, couteau suisse technologique. Franchement, moi, il y a deux choses ou trois choses qui sont très importantes. D'abord, les performances, okay. Forcément. C'est un processeur capable de décompresser de la vidéo HD en 1080p, soit en haute définition, de lancer des jeux en 3D, en 2D, tranquille, à l'aise, et pour couronner le tout, eh ben, les performances de la batterie sont absolument exceptionnelles sur l'Acer One 10. La connectique, forcément, si t'as une tablette, t'as besoin de la connecter. À la télé, c'est possible ou pas ? Bah oui, il y a une prise HDMI, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth 4.0, il y a un port USB standard, il y a un micro USB, il y a même, tu sais quoi ? Non, je sais pas. Une entrée pour une carte SD. Carrément ? Non, puisque la tablette fait 32 gigas. Ouais. Et ben avec cette carte-là, tu doubles, voire tu triples. Pardon. Et on peut mettre des films sur la tablette ? Bah évidemment. Ah bah ok, mais excuse-moi. Mais dans quelle question tu vis, toi ? Qu'est-ce qui m'a foutu Je pose des questions, c'est pour savoir. Donc c'est une magnifique tablette. Un écran 10 pouces, c'est ça ? Écran 10 pouces, en plus deux appareils photo qui complètent la panoplie. Un avant, un arrière, 2 millions de pixels chacun. L'engin a vraiment tout pour plaire. C'est pas une machine de remplacement, hein. Non. Mais comme je vous le répète tous les jours, c'est un couteau suisse technologique, une tablette hybride, un netbook sous Windows qui devrait permettre tous les usages dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. Capacité de batterie, qualité du Wi-Fi, vitesse du stockage embarqué, tous les détails qui font la différence au quotidien sur ce type de machine. Comment on passe du PC à la tablette ? Comment est-ce qu'on peut... Il y a différents modes. Il y a 4 modes disponibles qui te permettent d'alterner un coup avec le clavier, un coup sans clavier. En fait, c'est le clavier qui joue le PC et la tablette, c'est ça ? Exactement. Et le clavier se branche comment ? Par des branchements magnétiques. Fais pas comme si tu le savais pas. Je te pose la question quand même, effectivement, c'est on des aimants. On l'a dit 3 fois aujourd'hui. C'est des aimants qui collent à l'écran et au clavier comme exactement. Ça. Exactement. C'est magnétique, il n'y a pas de charnière, on s'emmerde plus à triturer son PC, ça se fait clic-clac, tu vois. Et toute la famille peut avoir une session sur le PC tablette. Exactement. Je t'écoute, tu vois. Je vois que tu m'as bien écouté, ça fait plaisir. Donc, comment on fait pour avoir une session comme ça ? Il suffit de créer sa session et puis chaque membre de sa famille pourra surfer sur la tablette à son aise. Maintenant, la seule question à laquelle j'ai pas répondu, c'est comment la gagner, cette effectivement tablette. Comment on la gagne ? 2 lettres, PC, vous envoyez le tout au 6322, c'est 1€ par message, vous envoyez PC au 6322. Alors est-ce qu'on l'a fait gagner aujourd'hui ? Est-ce qu'on l'a fait gagner demain ? Est-ce qu'on en fait gagner 2 aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Non, c'est pas. Mais toujours est-il qu'il faut envoyer PC au 6322, c'est 1€ par message. On vous souhaite bonne chance en tous les cas. Ouais, PC au 6322, 1€ par message. On va soit l'offrir aujourd'hui avant 20h, soit demain entre 17h et 20h. Elle tombe forcément. Donc allez-y, PC au 6322, c'est 1€ par message, comme l'a dit Kaufman. C'est vraiment le PC tablette de référence en ce moment. PC au 6322, c'est 1€ par message. La suite de l'émission, ça se passe avec le Blackjack. On a également le chiffre du jour, Laurence. Oui, les hommes prennent en moyenne 26 secondes à faire quelque chose, mais quoi ? Bah, pour Kaufman, je sais. Je préfère pas répondre. Il y a également le fun game, Kaufman. Oui, bah, je pense qu'on va faire gagner un jeu. Ah, on fait gagner un jeu encore. Ouais, donc, quel jeu ? Bah, on va faire gagner Technomancer, qui est un bon jeu de rôle, un bon jeu d'action. On combine le tout et on vous l'explique tout à l'heure. Très bien, là, il est 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. On parle un petit peu moins de la crise des migrants depuis quelques semaines, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit résolue pour autant. Évidemment, du côté de la Grèce, là ça va mieux depuis la signature d'un accord entre l'Europe et la Turquie, mais alors un accord très fragile. Les relations entre Bruxelles et Ankara ne sont pas franchement cordiales. Et les Turcs ont posé un ultimatum à l'Europe. Si cette dernière n'annonce pas vite fait la date de la levée des restrictions de visa pour les Turcs désireux d'aller se promener en France ou en Italie, par exemple, il y aura plus plus, il y aura plus d'accord et on laissera à nouveau les Grecs se débrouiller avec les réfugiés syriens. Et puis on a l'Italie également où la situation a tendance à empirer avec des migrants qui viennent massivement de Libye par bateau et une fois débarqués gagnent le nord de la botte, dans l'espoir d'aller en Allemagne ou en Angleterre, sauf que ça le fait pas. La France et la Suisse ne laissent passer quasi personne, si bien que ces malheureux restent bloqués en Italie, même qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, la représentante italienne du Haut Commissariat aux réfugiés tire la sonnette d'alarme, expliquant que la situation de tous ces gens pourrait rapidement devenir insupportable. Alors, vu ce contexte, il n'est pas spécialement étonnant d'apprendre que l'Italie est le deuxième pays où les gens considèrent qu'il y a trop de migrants. Voilà ce que révèle une étude réalisée par Ipsos dans 22 États, dont 9 européens. Pas étonnant non plus, c'est la Turquie qui est en tête de ce classement, vu que là-bas, des migrants, il y en a des millions. Nous avons ensuite l'Afrique du Sud et la Russie. Là non plus, pas de surprise, ce ne sont pas des pays réputés pour leur ouverture aux autres. Par contre, ce qui est surprenant, et même très surprenant, c'est que c'est la Belgique qu'on retrouve juste derrière. 60% des gens estimant que les migrants sont trop nombreux. Même les Allemands sont proportionnellement moins nombreux à le penser, alors que chez eux, il y a vraiment beaucoup de réfugiés. Hein, et 55% des Belges pensent que la majorité des demandeurs d'asile ne sont pas de vrais réfugiés, mais viennent pour des raisons économiques ou pour profiter du système. Visiblement, les partis populistes ont un bel avenir chez nous avec un beau vivier d'électeurs potentiels. Une enquête réalisée pour le site lastminute.com révèle que 18% des Européens font plus souvent l'amour en vacances. C'est vrai qu'au boulot, c'est pas toujours évident, hein, surtout depuis qu'on a mis des webcams en studio. Bonjour la discrétion. Bref, les Européens se sentent plus libres d'assouvir leurs fantasmes et leurs envies pendant les congés, mais pas forcément avec leurs conjoints. 68% des Italiens déclarent avoir déjà trompé leur partenaire pendant les vacances. Des Italiens ou des Italiennes, hein, pas toujours tout mettre sur le dos des mecs non plus. Les Italiens suivis des Espagnols et des Allemands. Les Français, eux, sont les plus fidèles ou les plus menteurs. Salut enfin le beau geste de notre footballeur Vincent Kompany qui versera désormais ses primes et bonus de Diable Rouge à des projets positifs, des œuvres qui lui sont proches et lui tiennent à cœur. J'espère, a-t-il déclaré sur Facebook, pouvoir retirer plus de motivation de ce geste et continuer à vivre des moments positifs avec cette équipe magnifique. Bon, mais il n'y a plus qu'à souhaiter que ce sera le cas et que Kompany n'aura plus de pépins de santé avant longtemps. Avant jeudi Blackjack, on fait un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain? La situation va un petit peu s'améliorer demain, déjà au niveau des températures, hein, puisque les maxima devraient être compris entre 20 et 24 degrés, avec le retour d'un temps globalement sec, mais toujours assez nuageux, encore l'une ou l'autre petite averse possible dans l'est du pays. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse avec David le son de Boosty. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Hein, non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser, hein. Non j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel alone like je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Milo, c'est le son qui débarque sur Fun Radio. Et on va jouer au jeu du Blackjack avec Louis aujourd'hui. Salut Louis. Salut. Salut Louis. Salut Louis. Comment ça va Louis? Non, arrête Kaufman. Moi, ça va très bien. Ça va très bien, en pleine forme. Il a 12 ans Louis. C'est ce que j'ai demandé. T'as quel âge Louis? J'ai 12 ans. Bah, tu vois. D'accord. Et t'habites où? J'habite à Moa. À Moa. Dans la province de Liège. Ah ok. Ah, bah, c'était soit ça, soit c'était tout près de Tahiti. Hein. Allez, tu viens jouer au jeu du Blackjack. Je dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Si tu as 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. On est d'accord, Louis? Oui. Parfait. Première carte que je dévoile, c'est un 6. On continue? Oui. Bien sûr. Deuxième carte, c'est un 2. 6 plus 2? 8. 8. On continue, Louis? Oh bah oui. Encore. Bah oui, attends, attends, tu rigoles ou quoi? Et troisième carte, c'est un 8, ça fait 16. 16. On continue. Oh, wow. Allez, c'est parti. Oui. Quatrième carte, c'est un 2. 16 plus 2. 18. 18, c'est donc un pack fun pour l'instant Louis, ok? Ouais. Est-ce que tu vas tenter le coup mais des 21 ouais. Mais ouais. Pour gagner le jeu vidéo? Mais oui. Ouais, non, je vais arrêter là. Tu arrêtes là? C'est bien. Tu es sûr de toi Louis? Ouais. Oh petit ouais, Louis, il est raisonnable. Oh petit Louis, il est sûr de lui, je valide ton choix. Louis, tu gagnes un pack fun, bravo à toi. Bien joué bravo. Louis. On va quand même découvrir la ouais. carte. Ça se trouve, tu as peut-être perdu le jeu vidéo. On va découvrir la carte, 3, attention. C'était un 3. C'était un 9. Parce que là, ce que je dis, c'est 3 x 3. Ah, j'ai bien fait. Donc t'as bien fait Louis, bravo, on t'envoie ça très très vite. On prend tes coordonnées en antenne, ok? Ok, nickel. Allez, merci. Ne bouge surtout pas, ne raccroche salut. Pas, Louis. On prend tes coordonnées hors antenne. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le chiffre du jour, Laurence. Oui, les hommes prennent en moyenne 27 secondes à faire quelque chose, mais quoi? Ok, très bien, on en parle dans quelques minutes. Pardon, ouais. Et également le PC tablette, toujours à gagner, Kaufman. La SR 110, vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message, un petit bijou de technologie qu'on vous offre. Et le Sundance Floor avec Milo, All In At The Moon sur Fun Radio. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Summertime, take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, at dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sun.

le son Dance Floor avec Martin Solveig sur Fun Radio. Dans quelques minutes, le Fun Game débarque, Hoffman. Oui, on vous offrira un jeu Technomancer, en l'occurrence, qui sera gagné avant 20h. Donc on met les petits plats dans les grands et on a même sorti les couverts en argent. Très bien, parfait. Le chiffre du jour, Laurence. Alors c'est 27 secondes. Donc les hommes, ils prennent le temps de 27 secondes pour faire quelque chose, à votre avis, quoi? 27 secondes pour faire quelque chose. Si vous avez une idée, au 30, 44, 50 centimes par message, allez-y. Hoffman, t'as une idée? Oui, faire pipi. Faire pipi? Non. Non? Est-ce que faire un créneau? Non. Non plus, 27 secondes. Un créneau. La pète. Ouais, un créneau, 27 secondes. Attends, je t'ai vu conduire, toi tu mets 3 minutes 30. Plus que ça même. Plus que ça, ouais. T'as une autre suggestion, Kaufman. Le mec qui pense qu'il est une smart. Il se garde toujours en vertical, tu vois. C'est vrai. Oui, j'ai d'autres suggestions, mais à cette heure-ci, je peux pas toutes les donner, malheureusement. 27 secondes, c'est sexuel ou pas du tout? Gentil, c'est gentil, sexuel. Ah, quand même. Un peu. Ah, si vous avez une idée, allez-y au 3044 pour nous aider. Kaufman, t'as une idée, toi, quoi? Bah, maintenant, c'est que c'est sexuel, oui. Bah, oui, j'ai plusieurs idées qui me sont venues. 27 secondes. Est-ce que ça se fait avec les mains? Oui. Ça se fait avec les mains? Oui. Ok, très bien. Ça concerne les hommes et les femmes? Oui. Ah, ça concerne les deux? Ah, ça se fait à deux. Les deux. Ah, très bien. C'est pas faire l'amour? Mais non. Ah non, c'est pas ça. Ils sont bien tombés avec nous deux. Non, je sais pas. je sais pas. Je connais pas de truc sexuel avec une femme. La femme est importante dans le truc ou pas? Ouais, quand même. Ah ouais, très importante. Ouais. Est-ce que ça a à voir avec une partie du corps en particulier? Le haut. Avec le haut du corps? Ouais. Et avec les cheveux? Non. À faire des couettes un peu plus bas. Avec les seins? Ouais. Kaufman doit connaître alors par là. 27 secondes avec les seins, bah je sais pas, avec les soutiens-gorge. Oui. À dégrafer un soutif. Oui. C'est ça, 27 secondes. Exactement, ouais. En moyenne. Exactement, les hommes ils prennent 27 secondes en moyenne pour dégrafer un soutien. Après, la légende dit pas si c'est dans le noir ou les yeux fermés. Ah. Mais en tout cas, les femmes elles prennent une dizaine de secondes. Une dizaine de secondes donc, seulement. Donc les gars, ah, oui, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Mais si vous voulez des cours, il y a un Belge, il s'appelle Yannick Pevenage. Ok. Il vient de Brenne. Ouais. Et en fait, lui, il voulait battre le record du monde de dégrafage de soutien en une minute. Il a fait combien? Il en a fait 62. 62 en une minute. C'est quasiment une toutes les secondes, ça, Young, quasiment. Il est fort, bah, tu le sais. Moi, il y a encore un truc qui me vient à l'esprit, ils n'ont rien à faire dans la tête. Écoute, chérie, on va dégrafer le soutien. Tu prends le chronomètre, on y va, on s'entraîne. Le mec s'est entraîné pendant 3 ans quand même. Hein, mais il n'a pas battu le record du monde qui est de 70. À 70 quand même. Mais il n'est pas passé loin, le Belge. Il n'est pas passé loin, donc voilà, il pourra réessayer s'il veut et à vous aussi d'essayer si vous voulez chez vous. Très bien. Pour la suite, le Fun Game, Kaufman. Oui, on dégrafera un jeu vidéo pour vous l'offrir. Très bien, ça se passe juste après Martin Solveig sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun. What you doing with my head? I may let you go ahead, but you gotta do it right, right, right. Show me that you'll make a spin. If I let you try again, boy, you gotta do it right, right, right. Come on over. Let's get together. Come on, turn the lights down. See, there's no rewind now. Let's cross the line. Show me yours, I'll show you mine. Just do it right all night. Dancefloor continue avec Mo. Et là, c'est l'heure du Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et Kaufman offre un jeu aujourd'hui. Oui, on va offrir Technomancer, qui est un savant mélange entre jeu de rôle, jeu d'action, dans lequel tu incarnes Zach, qui veut devenir un technoman. Ok, et donc c'est quoi, qui va devoir avoir des pouvoirs, maîtriser des pouvoirs électriques pour pouvoir combattre. Intéressant ce jeu, parce que d'abord, c'est une production française, donc c'est près de chez nous, forcément. Okay, ouais. Ensuite, parce que ça ressemble à un jeu qu'on connaît déjà, Mass Effect, qui est une belle référence dans le milieu du gaming, et un jeu dans lequel tu vas devoir faire des choix, parfois des choix moraux, ouais, des choix difficiles. Okay. Et c'est plutôt bien fait. Tout n'est évidemment pas parfait, mais c'est un jeu qui vaut la peine, et en plus qui n'est pas vendu très très cher, mais là, pas de souci, on vous l'offre. Ah, c'est gentil, merci. Sur PlayStation 4 ou Xbox One. Ouais. PlayStation 4 ou Xbox One. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous envoyez fun. Jeu, plutôt. Jeu ? Okay. Ouais, jeu. Je vais dire jeu, parce que c'est que du fun, c'est jeu. Très bien. C'est jeu, J-E-U. Vous envoyez ça au 6322. Okay. Au calme, tranquille, posé. Et dans quoi ? Dans un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Ok. On prend quelqu'un au sort et on lui fait gagner le jeu PS4 ou Xbox One Technomancer. Vous envoyez jeu au 6322 pour 1€ le message. Et puis c'est pour nous, ces cadeaux, vous l'aurez en code. Ça veut dire c'est quoi ? Code, c'est quoi ? Pas besoin d'attendre le CD. On vous envoie le code, vous l'introduisez soit sur le Xbox Live, soit sur le PlayStation Store. Et là, comme par magie, le jeu se télécharge. Donc on peut y jouer dès ce soir, en fait. Dès demain, parce que je donnerai le code. Ok, bah dès demain, c'est ça qui est bien avec Kaufman, c'est qu'on a des codes, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir le cadeau. Bravo Kaufman, donc on envoie jeu, c'est bien ça? J'allais les play, j'ai tellement l'habitude. J-E-U au 6322 pour 1€ le message, et peut-être à vous, Technomancer sur PS4 ou Xbox One, c'est vous qui choisissez. Très bien, la suite du son Dance Floor, ça se passe avec Mo, Fun Like Song sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Yeah. Dans quelques minutes, c'est Enrique Iglesias qui débarque sur Fun Radio. Et aujourd'hui, on fait le plein de cadeaux, Kaufman. Bah oui, d'une part, vous pouvez remporter Technomancer en envoyant jeu au 6322 pour un nouveau message. Vous choisissez la console, hein, PS4 ou Xbox One. Et demain, au calme, vous recevez le code. Comme ça, dans votre adresse email, vous l'introduisez sur le Xbox Live ou le PlayStation Network. Et le jeu est, se télécharge directement sur votre console. On peut jouer directement. Et on a un autre cadeau encore à vous faire gagner, soit aujourd'hui, soit demain. C'est le PC tablette. Oui, la Acer One 10, le condensé, hein, qui combine à la fois la tablette et le PC, qui vous permet de faire absolument toutes les activités dont vous pouvez avoir besoin. À savoir le traitement de texte, jouer, regarder des films, surfer sur internet, télécharger des applications Android que vous voulez. Bref, c'est vraiment l'outil indispensable pour toute la famille en plus. Un grand petit, vous faites chacun votre session sur la tablette Acer One 10. Elle est équipée d'une connectique assez remarquable, à savoir le Bluetooth, le Wi-Fi, le micro SD, enfin ce que vous voulez, elle l'a. Ok, très bien. En somme, cool, tu vois, je pourrais parler encore deux heures là-dessus pour ne rien dire. Elle est magnifique, parce que elle vous propose absolument toutes les options. C'est le couteau suisse. Ok. Informatique. Technologie. Ah, je suis pas encore, je suis pas au taquet. Demain, je serai au taquet, t'inquiète. Couteau suisse technologique. Oui, très bien. Et pour remporter ce superbe cadeau, vous envoyez deux lettres. PC au 6322. PC au 6322 pour un euro le message. Qu'on la fasse gagner aujourd'hui ou demain, votre participation sera prise en compte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en jouant chez nous, eh bien, vous jouez également dans le Summer Fun entre 6h et 9h. D'ailleurs, il y a Coralie qui est venue nous faire un petit bisou. Sur toi, sur ton front. Non, non, mais le problème, c'est qu'elle dort. Ah, elle dort. Ah, et il faut pas la réveiller. Ah, chut, Coralie on dit rien, dort. Alors. Elle se réveille tôt demain matin entre 6h et 9h. Summer Fun, ils peuvent également gagner le PC de tablette Acer One 10 comme chez nous entre 17h et 20h. Ça peut tomber ce soir, donc Kaufman. Hein. Oui, bah oui. Il nous reste maintenant quelques minutes pour nous décider, quoi. Exactement, vous envoyez PC au 6322, c'est un euro pour message. La suite, ça se passe également avec un autre cadeau, Kaufman, il y a plein de cadeaux en fait. Oui, hein. Technomancer qui était gagné sur PlayStation 4 ou Xbox One, un beau mélange d'action de jeu, de rôle avec jeu d'action, ça ressemble très fort à Mass Effect pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est un des seuls jeux vidéo sur PS4 où il vous est demandé de faire des choix. Ouais, c'est très et bien. Et qui conditionne votre aventure. L'aventure évolue en fonction de vos choix. Vous êtes Zack, vous êtes un technomant, vous devez maîtriser vos pouvoirs électrique pour ensuite évoluer dans l'aventure et partir à l'aventure sur Mars. C'est pas mal, franchement c'est un très bon jeu qu'on vous offre maintenant sur PS4 ou Xbox One. Vous envoyez jeu, J-E-U au 6322 et là dans quelques minutes on appelle le gagnant. Exactement, juste après Enrique Iglesias sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Diamonds in your eyes. l'émission qui fait dabé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Sufrimiento que te hace llorar. Dans quelques minutes, c'est une nouveauté Fun Radio, Ego Phoenix. Et c'est le moment de découvrir le gagnant au jeu de Kaufman. Oui, qui va remporter Technomancer sur PS4 Xbox One. Allô, bonsoir. Allô, Jordan. Oui, allô, bonjour. Oui. Salut, bonjour Jordan. À tous. Salut à tous. Ça va bien, Jordan? Bah, très bien, et vous? Ouais, en pleine forme, au taquet. Nous, on va bien, et toi, t'aimes bien les jeux vidéo, apparemment. Ah ouais, bah justement, ouais. En plus, j'ai acheté il y a pas si longtemps, je crois qu'il y a deux semaines, je viens d'acheter la Play 4. La PS4 de chez Sony, c'est bien ça. Tu as envoyé quoi au 6322? J'ai envoyé le jeu. On vérifie. Belle radio. Bravo, bien, bien, c'est gagné. Merci, parfait. Demain, on file un code, tu vas pouvoir avoir le jeu dès demain chez toi, tranquille, au calme. Passe une bonne soirée, Jordan, ok? Ouais, une bonne soirée à vous aussi. Hein. Merci, bisous, Jordan. Ne raccroche pas. On prend tes coordonnées en antenne, ne raccroche surtout pas. Jordan, est-ce qu'on fait gagner le PC aujourd'hui, Kaufman? Écoute, j'ai pas envie de parler ma vie personnelle, mais je suis fatigué. Ah, donc demain, c'est ça? Demain, ça sera mieux, oui. Demain, c'est sûr et certain, on vous offre la PC tablette Acer One 10. Vous pouvez toujours vous inscrire en envoyant PC au 6322, c'est 1€ par message. Ce qu'on joue aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, hein, votre participation est prise en compte. Donc allez-y, envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Nous, on se retrouve demain à 17h pour la suite de l'émission. Ça se passe avec les meilleurs moments de la Power. Il y aura Egophonic, puis après Madcon à 20h, c'est Party Fun qui prend le relais. Bonne soirée, Kaufman. Bonne bonne nuit. Aujourd'hui, je vais pouvoir te dire dors bien. Moi aussi, dors bien. Dors bien aussi, Laurence. Bisous, oui, bisous. On se retrouve demain à 17h et dès 6h. C'est Summer Fun qui prend le relais. Bisous, bisous, bisous. Ciao. Bye bye. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On sait que la vérité sort de la bouche des enfants, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de mots qui veulent rien dire et plein de fausses notes. C'est le Baby Blind sur Fun Radio. Ouais, c'est un nouveau jeu dans l'émission. On a mis un casque sur les oreilles des enfants, on a diffusé une petite musique et on leur a demandé de chanter ce qu'ils entendaient. Voilà. Alors des fois, c'est des sons dance floor, des fois, c'est des sons bien ringards. Et aujourd'hui, c'est comment dire, un c'est mi-ringard, mi-dance floor. Ouais, c'est un mix de tout, c'est-à-dire que c'est romantique, les gars. Voilà. Pardon ? Si, je vous jure, c'est très très romantique. On a tous eu une petite larme à l'œil. Avec cette petite musique. Écoutez ça, si vous avez une idée, soit de l'artiste, soit du titre, vous m'envoyez ça au 3044. C'est un asiatique. Je prendrais donc des nouilles sautées au poulet, s'il vous plaît. Enfin, numéro 24, je fais commande, de bidon. C'est une catastrophe, du coup, on a rien entendu du Baby Blind, quoi. Foutez vraiment le bordel, vous, je vous jure. Vas-y, on le réécoute, du coup, c'est de votre faute. C'est coréen, je crois. Tais-toi. Je prendrais du coup des maquis. C'est possible. Allez, je vous donne un indice. Jet Li. Ah, pas attention, hein. Attends, Non, c'est pas ça. Je vous donne un indice, glaçon. Glaçon. Ouais, c'est peut-être pas l'indice. Morito. Ouais, bras écartés en mode. En mode, écoutez, démerdez-vous. C'est facile à trouver pour une fois. Je vous donne pas plus d'indices, sinon je vous donne la réponse. C'est le technique de le montre l'idiot. Tu écartes le bras, tu prends NRD, après tu envoies dans la gueule de l'autre. Si vous avez une idée, c'est une musique d'un film. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous avez une bonne réponse, je vous file votre pack fun. Tout ça, c'est à envoyer au 3044. C'est qui chante ça? L'artiste ou alors le titre? Ça fonctionne aussi. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Je m'envole ailleurs. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine, son bombe pas. Ah, laisse tomber, j'ai pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? J'ai pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. J'm'envole ailleurs. Pour les vacances, la plage, le soleil et Fun Radio. Fun Radio. Fun. Suivez Fun Radio sur Twitter. Toute la journée sur Fun Radio. Fun Radio. C'est ça. Hi, this is Dimitri Vegas on Like Mike, and Fun Radio is our radio. Fun Radio, the song dance floor. Baby, I got this feeling. This is what you came for. Inside my bones, it was a crush. Bang my head against the wall. All through my city, and everybody's watching her. But she's looking at you. journée sur Fun Radio. C'est ça. Je vous adore, vous êtes la meilleure radio.